Pour le moment, revenons au 0825-08-5000 avec Nadia et avec Gérard. Ça va, Gégé? Merde, on les a pas. Mais si, ils sont là. C'était là, Nadia? Gérard, t'es là? Ouais. D'accord, mais je sais pas qui c'est qui est sur la droite. Nadia. Ouais, on t'entend, Nadia. Ah, c'est bon, alors. Bon, Gérard, t'es là? Oh, je t'entends mal, là. Ah bah forcément, eh, où, t'es où? T'es dans tes chiottes ou quoi? Il y a trop de résonance, on n'entend rien. Ben, je t'entends, là. Moi, je t'écoute, là. Ouais, mais il y a trop de résonance, là, on n'entend rien, là. Oh, putain, mais t'es chiant. Bah, t'as qu'à... Mais toi, voilà. Non. Eh ben voilà, c'est déjà un petit peu mieux. Alors, Nadia, bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce que tu fais de beau dans la vie? Ben, je suis étudiante à Paris. Je fais un deuil, enfin, en deuxième année, sociolinguistique. Sans deuil. Tu fais quoi exactement? C'est pour faire quoi plus tard? Je sais pas encore, c'est prof de français. Sans déconner. C'est vrai? Ouais, bah ouais. T'es comment? Excuse-moi, mais là, il est l'heure, et puis en ce moment, je suis assez chacal, donc t'es comment physiquement? Je mesure 1m65, ouais. 60 kilos. Ouais. Et bah, je suis toute fine, brune. Et voilà. Hein, Gérard, ça pourrait te faire plaisir, ça? Oh non, mais je sais pas, moi. T'as picolé ou quoi? Vas-y, accouche là. On t'a appelé parce que il y a beaucoup d'auditeurs, quand Nadia a commencé à aborder son sujet, elle veut parler des gens qui sentent mauvais. Non mais attends, Nadia, bonsoir. Bonsoir, Gérard. Ah, là je t'entends mieux, là ça va déjà mieux. T'as, d'ailleurs je vais vous laisser discuter deux minutes, peut-être que Karine va le faire, c'est d'aller me chercher un petit encens, parce que rien que déjà l'idée d'avoir Gérard, là faut se couper un enfant. Oh, ta bouche à toi. On va se faire péter des encens là. Allô. Ouais, Nadia. Alors Nadia, qu'est-ce que tu souhaitais dire là-dessus? Bah moi, ce que je voulais dire, c'est que, comment dire, enfin, ça m'énerve, enfin, quand il y a des gars qui se mettent à côté de moi, et qui, enfin, voilà, qui sentent mauvais. Mais c'est où? À quel endroit? À quel endroit? Non, mais c'est partout. Ah, mais le pire, je crois que c'est dans le métro, dans les bus, dans les transports en commun, alors là. Ouais, non, mais dans le métro, c'est horrible. Non, mais de toute manière, faut dire une chose, Nadia. Oui. Nadia, faut bien me dire une chose, que les gens... Il maîtrise le sujet, lui, hein. Bon, attends, tu vas te taire, toi, d'accord? Tu me laisses discuter avec Nadia, après, je te laisserai la parole, ok? Merci. Donc, Nadia, faut bien me dire une chose, que les gens, quand ils partent le matin et quand ils rentrent le soir, c'est normal qu'ils... le matin, c'est vrai qu'il y a plein de monde. Ouais, mais quand ils rentrent... Attends, Gérard, t'es en train de dire que c'est normal que les gens transpirent le matin parce qu'ils partent travailler, donc ils transpirent. Il va fermer sa gueule, lui, que je parle. Ceci dit, il a raison. Il y a des gens qui partent travailler, qui vont faire des débats, qui transpirent, et qui partent des débats, qui transpirent. Mais ta gueule un peu. Ta gueule. Allez, vas-y, dis ce que t'as à dire, vas-y. Bon, de toute manière, t'en as le matin, bon, ils se mettent du parfum, ok. Mais, Sur de la transpiration. Oh, putain. Non, mais moi, c'est pas de ça que je voulais parler. Ouais, mais c'est quoi? J'arrive, je me lève le matin, j'ai juste le temps de prendre une petite tartine pour tenir le coup. J'arrive dans le métro, ou même pas dans le métro, des fois dans le bus le matin, mais franchement, il y en a qui fouettent, franchement, moi, ça me tue. Ah ouais, moi aussi, ouais. Moi, j'ai pris le métro 2-3 fois dernièrement, Nadia, et je peux t'assurer qu'il y a 2-3 personnes qui sont près d'eux, non, franchement, mais attends, tu veux fermer ton clapet, toi, hein? Non, mais attends, c'est toi qui veux fermer ta gueule, parce que pour l'instant, c'est moi le chef. Fermer, moi, je te mets hors antenne, sinon, je fais comme... Non, mais sérieusement, Gérard, qu'est-ce que tu penses, sérieusement? Non, attends, mais tu vas la fermer, tu vas me laisser parler un mot, moi. Non, mais sinon, je vais pas te garder longtemps, Gérard, je vais être obligé de te dire au revoir. Qu'est-ce que tu penses des gens qui sentent la transpiration? Est-ce que c'est normal? Non, mais attends, de toute manière, sauf pas, c'est normal. Bon, c'est Nadia qui lance le sujet là-dessus, moi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, j'ai plus rien, moi. C'est les gens. Ouais, je voulais rajouter un truc, Gérard. Oui. Comment dire? Moi, ce qui m'énerve, c'est aussi, des fois, je travaille dans un parc d'attraction pendant les vacances. Et j'ai des collègues qui sont super, enfin, c'est des supérieurs. Ils arrivent dès le matin, franchement, ils puent. Ils se sont pas lavés, ça fait... Tu vois, ils savent pas pendant un mois, et puis ils arrivent, ils se mettent à côté de toi, ils viennent te serrer la main, ils ont les ongles tout noirs. Tu sens l'odeur du parfum, t'as envie de vomir parce qu'ils ont mis le parfum sur la couche de crasse et la couche de sueur qu'ils ont sur le corps. Et ils disent, il s'est acheté du gel aujourd'hui. Enfin, il a mis du gel, il a... Enfin, non, mais attends, Nadia. Ah, non, mais... Oui. Oui, vas-y. Non mais attends, tout le monde n'est pas comme ça, mais attends. Ah non mais attendez, là je crois qu'il y a un bon débat qui est en train de se lancer. Là, il est minuit sur Fun Radio, on peut peut-être parler un petit peu des gens qui sentent la transpiration. Gérard n'a pas l'air d'être d'accord, donc Karine, je te demande d'essayer de contacter des gens qui sentent la transpiration et ensuite on ira vers les numéros de téléphone rose. Mais c'est vrai que là Gérard a un petit peu raison. Qu'est-ce que tu veux dire Gérard, parce que non mais faut prendre ça pour une personne. Bon, de toute manière tout le monde sent de la transpiration, même que tu prends ta douche, que tu mettes du déodorant. Ah non, pas du tout. Écoute-moi Nadia. Attends, écoutons-le Nadia, parce que Gérard, bon, c'est deuxième, prends en deuxième degré Nadia. D'accord. Même s'il lui est dedans, hein. D'accord, Gérard, vas-y, on t'écoute. Bon, attends, de toute manière, ce qu'il vient de te dire, tu laisses tomber, t'écoutes pas ce qu'il te dit, le chef. Alors, Gérard, qu'est-ce que t'as à dire là-dessus, parce que c'est intéressant ce que tu disais. Non, mais de toute manière, pour te dire une chose, que la personne, si elle prend sa douche, elle se met du déodorant, bon, automatiquement, s'il fait beau, automatiquement, dès qu'il fait chaud, la personne, le déodorant, bah, elle va s'en aller avec la chaleur. T'es d'accord avec moi? Ça dépend quoi de la bonne odeur qui sort. Attends, ça dépend. Attends, mais Nadia, tu continues à rester dans le premier degré. Déconne. Détends-toi, Nadia. Il est minuit, t'es sur Fun, t'es avec Max. Détends-toi. Si tu commences à croire que le sujet que t'es en train d'aborder, on va l'aborder sérieusement, tu te mets un gros doigt dans le cul. Non, mais c'est pour... Gérard, quels sont les... Par exemple, toi, tu utilises quoi comme parfum, Gérard? Moi, je prends d'Adidas ou de la marine. Voilà. Donc, moi, je peux vous le dire, les auditeurs. Nous, on a la chance d'avoir Gérard depuis... Moi, je le côtoie depuis 4-5 ans. Et c'est vrai que c'est agréable. Non, ça fait 6 ans. Ça fait quelques années. En tout cas, il est très agréable d'avoir Gérard. Bon, même si tu as tes affaires qui sentent un peu la transpiration, Gérard, c'est vrai que toi, ce qui est agréable avec toi, c'est que tu utilises des parfums qui te permettent quand même de sentir super bon. Non mais attends, ils sont pas toujours la transpiration, d'accord? Ok, on ne comprend pas. Mais non, la transpiration qui sont super bon. Non mais c'est vrai, parce que moi j'ai connu Gérard à l'époque où Nadia, et je vais le dire pour tous les auditeurs... Non, mais reviens pas sur le passé, tu veux. Non mais je veux passé, dire... Le passé, tu le laisses de côté. Tu sais même pas ce que je veux dire, alors attends un peu, attends, laisse-moi... Ouais, non, mais attends. Je te vois arriver avec tes gros sabots pleins de paille. Moi je vais quand même le dire, à l'époque quand même, moi j'ai connu Gérard à une époque où il a utilisé de l'Adidas. Tu te souviens qu'à un moment donné t'as utilisé de l'Antarctique? Et c'était du bon parfum. Tu nous as également fait péter le Harley Davidson. Ouais. Ça, c'était du bon parfum. Et t'as également, à un moment donné, je crois, t'as eu ta petite période Lacoste. Ouais, mais... Roland-Garros. Ouais, mais ça, maintenant... Et puis t'as eu aussi, à un moment donné, t'as utilisé aussi, comment, le truc, la brute de Fabergé. Ouais, c'est ce que je viens de dire en l'instant. Toi, c'était pas brut de Fabergé, toi, c'était brut de berger, toi. Ouais, ben c'est pareil, faut qu'on confronte plantacule et infiltrateur. Ouais, alors donc j'encourage les auditeurs, même si c'est du parfum qu'un... Attends, Gérard, laisse-moi parler. Je dis ça pour toi. Attends, mais l'annonce. Alors, je coupe Gérard parce qu'il parle dans le vide. Si vous avez du parfum, même s'il est un peu tourné, même s'il a déjà 2-3 ans et que la date est dépassée depuis 2-3 ans, Antarctique, Lacoste, Harley Davidson, Adidas, Puma, toutes ces marques-là, Gérard, il adore. Et c'est vrai que Gérard sent bon parce que Gérard a une peau pour ces genres de parfums, n'est-ce pas Gérard? C'est vrai que Gérard, hein, c'était d'accord. Vous entendez Gérard ou pas? Non, mais je vais te dire une chose. Ce que tu viens de dire, manque de peau, j'ai entendu en antenne. Ah oui, mais c'est pour te couper parce que tu me coupes la parole. Non, mais je vais te dire une chose. Que si c'est du parfum qui date de 17 ans, c'est pas la peine. D'accord? Ils doivent se le carreau au cul. D'accord. Bon, alors, mais les meilleurs, le parfum, c'est bonifié, c'est comme le vin. Ah, Gérard. Moi, ce que j'aimerais, c'est avoir des auditeurs quand même pour le débat, parce que là, on va pas rester 3 heures non plus à discuter qu'à deux, là. J'aimerais bien qu'il y ait des gens. De toute manière, si c'est pour discuter qu'à deux pour un truc comme ça, ça sert à rien. Ouais, alors justement, on en a d'autres. Alors, on a commencé, on va voir Charles de Paris qui a 17 ans qui souhaite intervenir. Bonsoir Charles et merci d'être avec nous. Salut. Alors, essayez, les enfants, d'appeler que pour... On va parler de la transpiration un petit peu des gens qui sentent mauvais. On est avec Gérard de Surin, Nadia. Je te mets en antenne 2 secondes parce que tu parles toujours dans le vide. Et on a Charles également. Charles, on t'écoute pendant que je mets Gérard en antenne pour que tu puisses t'exprimer normalement. Ouais, moi c'était pour dire que je supportais pas, les gars. Merci beaucoup, Charles. On ne comprend rien de ce que tu nous racontes. Ben, ce soir, Karine nous fait la totale. Hein. Un auditeur en capte rien. Je crois qu'il n'a pas compris. Hein. Ce qu'il faut éviter, Gérard, c'est ce que toi, tu ne supportes pas dans tes débats. Sinon, je vais vraiment être obligé de te dire au revoir rapide, parce que je ne le supporte plus. C'est que tu parles tout le temps pendant que les autres parlent. Alors, et toi, tu ne supportes pas qu'on le fasse. Donc, essaie d'avoir le même respect. Mais écoute-moi, Max. Ouais. Là, tu viens d'avoir l'auditeur. On n'a pas compris ce qu'il a dit. Oui, mais pendant que j'étais en train de parler tout à l'heure, tu étais en train de nous couper, donc c'était un peu la même chose. Non, mais l'auditrice, c'est bien. Ouais. Et maintenant, il faudrait qu'on aille des auditrices quand même. Si on en a, réagissent. On va voir si on a des réactions. Est-ce que Nadia, tu veux rajouter quelque chose? Si on n'a pas de réaction, on va se dire au revoir maintenant. Non, c'est bon. Bah, si je voulais dire à Gérard que, comment dire, le parfum, c'est comme le vin, ça se bonifie avec l'âge. Il a raison. T'as raison. Alors, ça fait que moi, j'ai des vieux parfums qui sont chez moi, je les enverrai à Sun et puis vous les transmettrez. Exactement. Des fois, c'est vrai qu'il y a des parfums qui sont des fois dépassés par la date, mais effectivement, comme le bon vin, ça, Nadia, tu as raison, des fois, ça. Il y a aussi les désodorisants, franchement, à mon avis, c'est vrai. C'est vrai. C'est à bon. Et même s'il vous reste du bégon jaune, il va prendre le Gérard. Ah, tu dis pas non, Gérard? Bégon vert et bégon jaune, tu sais où tu te l'écartes. Non, parce que tu dois avoir des morpions sous les aisselles. Non, ça va les tuer, non? Tu dois bien avoir des scarabées ou des choses comme ça qui se baladent dans ton slibard. Toi, j'ai souhaité un scarabée et un morpion. Tu vas demander à Karine où sont ces morpions et ces scarabées, d'accord? Quel parfum tu utilises, Gérard, en ce moment? En ce moment, j'utilise de Harley Davidson. Eh ben voilà, ben ça c'est du bon parfum et c'est de la belle moto. Harley Davidson. Et ton bégon vert et non. Ton bégon jaune, ouais. Tu le mets à Karine. Très bien, il n'y a pas de problème, je vais lui mettre pendant tout le week-end. Voilà. Merci en tout cas Nadia, et c'est vrai, il faut vous laver plus souvent. Et ouais. Surtout dans les transports en commun, faites des efforts. Et quand vous sentez, parce qu'on sent quand on sent la transpirer, t'es d'accord avec moi, Nadia? Oui, ça sent. Bah, évitez de vous tenir par la barre, là, d'en haut, avec les aisselles, là, avec les bras tendus en l'air. C'est horrible, parce que moi, je suis petite, ça fait que des fois, je suis juste sous les bras des gens. Franchement, j'ai envie de mourir. Ah ouais, c'est clair. J'ai envie de rester en apnée. Vous pensez sans déconner. Et en plus, quand je pense que ce soir, on va faire les numéros de téléphone rose, les gens vont transpirer comme des boucs. Oh là là, ça va être une horreur. Gérard, tu voulais dire quelque chose à Nadia? Ouais, Nadia, elle est toujours là? Nadia? Tu demandes à Karine qu'elle te donne mon numéro, puis je voudrais te parler un peu. Oh l'autre, le chacal, il veut se taper des meufs, il a envie de meufs en ce moment, le Gérard, il a les dents longues. Non mais Gérard, c'est trop vieux pour moi, en cas où. De quoi? Non, rien, j'ai rien, Elle disait que c'était trop vieux pour elle. Non mais, de toute manière, moi je relance, non, c'est tout. Parce que elle, comme t'es pas capable de le faire pour moi. Ah ben vas-y, fais-le. Donc s'il y a des personnes... Des gazelles. Ouais, des gazelles. De toute manière, je vais refaire un petit poème pour ta gazelle au standard. Donc, il y a des gazelles qui sont prêtes à vouloir me rencontrer, qu'ils n'hésitent pas à appeler le 0825, ouais. 08-5000. De toute manière, tu redonneras le numéro. Et une certaine dénommée Isabelle. C'est qui Isabelle? De toute manière, tu sais très bien. Non, je sais plus. Ah oui, non, mais c'est qui Isabelle déjà? Tu vois avec Karine. C'est qui Isabelle, Karine? Karine, c'est qui Isabelle? Tu te souviens? Ouais, c'était... Ouais. C'était qui? Ah, là, je te dis pas. Ah, d'accord, c'est une surprise. De toute manière, elle se souvient plus, là. À mon avis, elle est dans le tirage, là. Ah, t'es intéressé? Grave de chez grave, là, Karine, là. Nadia. Grave de chez grave. Non, c'est juste la malin, c'est bien. Non, mais je crois que Karine, elle est grave dans le tirage, mais grave de chez grave, elle a pas dû se remettre de ce qui s'est passé hier soir. Ouais, c'était quoi? Oui. Et pourtant, le débat était bien et c'est dommage qu'on n'a pas pu aller plus loin parce que j'avais des choses à dire. Merci Gérard, en tout cas, bonne nuit à toi. S'il y a des filles virtuellement qui veulent rentrer en contact avec Gérard, qu'elles n'hésitent pas, bien entendu, elles peuvent le faire en contactant le 0825 085.